Qu'importe le temps qui s'enfuit, les hivers un peu trop gris, toutes les mauvaises nouvelles en série, les polémiques, la chienlit, tous les avis des experts qui nous expliquent ce qu'il faut faire, moi devant cette incurie, c'est décidé, je reste au lit. J'ai rendez-vous avec Ahmed et toutes les pièces du grand Will. Montaigne me trotte dans la tête pour survivre au monde hostile. Je ne fais pas d'hypocondrie ni même de misanthropie. J'attends que ce soit fini, c'est décidé, je reste au lit. Qu'il est doux comme le dit Lucrèce, de se prélasser dans les lieux l'opulence et la richesse et le bonheur sont sans lieu. Ma forteresse intérieure est la compagnie des auteurs. Comme tout va de mal en pis, c'est décidé, je reste au lit. Moi je me fends cette incurie, ça c'est décidé, je reste au lit. J'attends que ce soit fini. Je ne peux plus rendre visite aux frondaisons bienveillantes, à la nature reine et sa suite. En cette époque de tourmente, je fais des gestes barrières pour échapper à cette misère. Puisqu'il en est ainsi, c'est décidé, je reste au lit. Décidé, je reste au lit.